Arriba, arriba, arriba, tout le monde. Bonjour, vous écoutez toujours Plectrum, la grande traversée du jeudi sur les ondes de CISM, la marge. Je m'appelle André Péloquin et on poursuit dès maintenant cette émission avec l'heure anglophone. On va débuter avec du rock. On va avoir entre autres des pièces de Swan Lake, des Pixies et de Thermals. Mais avant, on va débuter avec une reprise de Madonna, oui, oui, par la formation Happy Drivers. Si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions, je vous invite à me rejoindre au plectrum cism@hotmail.com ou encore de passer par le site web de la station de radio, c'est le cism893.ca pour avoir plus de détails. Restez à l'écoute, on a un concours qui s'en vient. Si vous aimez les jeux vidéo, je vous le conseille fortement. On y va maintenant avec les Happy Drivers. We'll be right back. here's your future. So here's your future. So here's your future. Steeple. Amour, tendresse, passion, sombrero, les ingrédients pour écouter Plectrum, la grande traversée du jeudi à ma compagnie André Péloquin. C'était Swan Lake avec la pièce All Fires. Un peu avant, on avait un classique des Pixies, c'était la pièce des Bazer. Un peu avant, les Turmoils avec Here's Your Future. Et on a débuté le bal de cette deuxième heure anglophone avec Happy Drivers, c'était la pièce La Isla Bonita. On va poursuivre dès maintenant avec des trucs un petit peu plus électro-pop. On va avoir entre autres du Idiot Pilot, du Patrick Wolf, du Neverending White Lights qui reprennent un succès de New Order, mais avant un mash-up de Along Came Jones qui remixe ensemble du Daft Punk et du Yeah Yeah Yeahs, et ça donne la pièce World Maps. Si vous avez besoin de plus de détails sur la programmation de l'émission, passez par le site web de l'émission, c'est le plectrumcism.blogspot.com pour avoir plus de détails sur la programmation de la station de radio en tant que telle. C'est au cism893.ca. On débute dès maintenant avec ce fameux mash-up réunissant des pièces de Daft Punk et des Yeah Yeah Yeahs sur la marge de CISM 893 FM. Oui! let me go. These words lie inside, they hurt me so. And I'm not the kind that likes to tell you just what I want to. And I'm not the kind that needs to tell you just what you want me to. That you might like to know. I received your message in full a few days ago. I understood every word that is said. And now that I've actually heard it, you're going to regret. And I'm not the kind that likes to tell you just what you want me to. You're not the kind that needs to tell me about the birds and the bees. yourself in. Just give yourself in to the pattern. 1,000 miles above our heads, they are bleeding. Mighty currents upon the day. If you're brave enough, you'll just let it happen. If you're brave enough, you'll give yourself away. voir la bizarre rose. Bonjour tout le monde, c'est toujours Plectrum, la grande traversée du jeudi, qui se poursuit avec l'imbécile en chef André Péloquin. On vient d'entendre la pièce Strange, We Should Meet Here, de Idiot Pilot. Un peu avant, on avait Patrick Wolfe avec la pièce Don't Say No. Un peu avant, une reprise de New Order, si je me rappelle bien, c'est Age of Consent, qui a été reprise par Never Ending White Lights en compagnie de Nick Exum. Et on a débuté avec World Maps, c'est un mashup d'une pièce de Daft Punk et des Yeah Yeah Yeahs, de classique même, de DJ Along Came Jones. On va poursuivre dès maintenant avec du hip-hop, mais avant, c'est le moment du concours Game Buzz. Je vous rappelle brièvement les règlements de cette magnifique opportunité pour vous, public de CISM, de gagner une Nintendo Wii, la nouvelle console de Nintendo. À chaque semaine jusqu'au 21 décembre, vous pouvez participer à des concours qui vous permettent de gagner des jeux vidéo à chaque semaine en écoutant Plectrum et les Gangsters Modernes qui, eux, sont diffusés entre 19h et 21h les samedis. Je vous explique, moi, personnellement, je vais écouter des pièces inspirées de jeux vidéo. Vous devez deviner le titre du jeu vidéo en question et écrire votre réponse par courriel au GameBuzz, gamebuzz@cism893.ca. À la fin de la semaine, nous, on va faire un tirage parmi les bonnes réponses et on va vous remettre un jeu vidéo, que ce soit Resident Evil 4 pour le GameCube, ou encore André Péloquin te montre les mathématiques pour ton Commodore 64. Mais même si vous n'avez pas la bonne réponse, je vous invite quand même à nous écrire au gamebuzz@cism893.ca, car toutes les bonnes et les mauvaises réponses sont quand même mises en nomination dans le même bac de tirage, finalement, pour le tirage final, qui sera un des deux ensembles Nintendo Wii avec jeux et accessoires. C'est une valeur de 500$. Il y en aura une qui sera tirée lors de l'émission du 21 décembre des Gangsters Modernes et une autre qui sera tirée le 16 décembre, ici même à Plectrum. Mais comme je suis une personne effroyablement méchante et cruelle, moi aussi j'ai envie de gagner un Nintendo Wii et de pas payer pour. Je le veux gratos. C'est pourquoi, pour le gagner, j'essaie d'éliminer un maximum de personnes et que je vous pose des questions absolument assassines sur les jeux vidéo. C'est pourquoi aujourd'hui, pour vous mériter un jeu ainsi qu'une chance de participer au tirage final, voici ma question. Vous devez deviner de quel jeu vidéo classique, c'est vraiment un classique, un des premiers, c'est pas seulement Nintendo, un des premiers jeux vidéo populaires de l'histoire du jeu vidéo. Vous devez identifier ce thème techno. Alors, allons-y. Bonne chance, je vous donne même pas d'autres indices. Vous êtes livrés à vous-même. Batman. Eat them up, yum, yum. Oh oh! Pendant que vous y réfléchissez, nous, on va passer à un peu de hibbity hop. On va avoir entre autres des pièces de Maxime Robin. On va aussi avoir du Power Up First en duo avec Belle. On va aussi avoir du The Mole, du Clips en compagnie de Pistol Pete. Pour participer au concours, je vous rappelle le courriel GameBuzz, gamebuzz@cism893.ca. On y va dès maintenant avec la pièce Womp Womp! The Clips. Man, I showed up, pimpy and cold up. I head straight to the bar just to post up. I roll a dro up, my cup mold up. Bitch, don't just stand there with your nose up. Come on, wamp, wamp, what it do? What it do? Huh. Wamp, wamp, what it do? What it do? Wamp, wamp, what it do? What it do? Huh. Wamp, wamp, what it do? No hot tub, flow dropper, since papa. You penny any nigga, see I know copper. Left the game on a high note, flow opera. But you still got them keys, I can unlock ya. See that watch on the sleeve, call it showstopper. Nigga ball around the world, call me Globetrotter. Trick dollar, ask what I feel, nada. Give a bitch yellow fever, all these gold bottles. And late models, I lean throttles. Root back with the cool black player, think he need goggles. Look mama, me fly papa. Strictly be the name Ice Cream and BBC Rocker. So proper, hammer time, gun cocker. Top shotter, so mean with the angel bowing. Born with the emblem bearing the stallion. European custom, the leather's Italian. Man, I showed up, pimpy and cold up. I head straight to the bar just to post up. I roll the dro up, my cup mold up. Bitch, don't just stand there with your nose up. Come on, wamp, wamp, what it do? What it do? Huh? Wamp, wamp, what it do? What it do? Wamp, wamp, what it do? What it do? Huh? Wamp, wamp, what it do? Yeah, so much glamour that I can't stand up. Bright from the ice, the chain xenon lamp, yeah. Impression in your mind like a freeze frame camera. The white tape tight like you're seen on Pampers. What's under the couch? Probably free up Santa. Whatever it costs, baby, we got answers. Line outside full of JoJo dancers. We got it for cheap, that's the re-up anthem. By far the coldest, 06 Lotus, 0 to 60, hocus pocus. The feds don't know, so they stick their noses. While we off the coast, proposing toasts. Holes in motion, the family close-knit. And deep like the Hutu, you cockroaches. Just like the flow, the foes ferocious. I'll tuck you in, homie, point is no kiss. Man, I showed up, pimpy and cold up. I head straight to the bar just to post up. I roll the dro up, my cup mold up. Bitch, don't just stand there with your nose up. Come on, wamp, wamp, what it do? What it do? Huh? Wamp, wamp, what it do? What it do? Wamp, wamp, what it do? What it do? Huh? Wamp, wamp, what it do? We said we get married when we're older. I was called over to her side a couple times when she was getting vaccination shots so she wouldn't cry. I remember one day playing outside at recess. All the boys were chanting, we hate Caitlyn, we hate Caitlyn. Standing in line, filling plastic buckets at the water faucet just to march over and toss it on her as she stood there crying. Standing in line with the rest of them, yes it was me. The first time around I got back into line without emptying my bucket. I poured a little bit into the hood of the kid who stood in front of me. He got wet and so upset, he nearly wept but said, you forget it, cause we were fully swept up in a mission to make my best friend feel worthless. We charged her, as I poured mine, she cried harder. Dean was the new kid in third grade. He had a shabby haircut and clothes, so we said he had AIDS. No one would touch him or talk to him. I wanted to be nice, but I thought if I did, the kids would have a vice against me too. Dean was gone before long, I don't know where he went, but I hope he made a friend. I remember Hallie, we all said she looked like a fish. On reflection, she was caring and compassionate. Zachary was fat sag to me. What's up, you fat fucking faggot? I would yell just minutes after being trash canned myself by Connor and Ethan. In the morning, they'd attack as I rounded the corner full of dread. Would it be a head smack or my preference? Verbal abuse. They would call me Booker Nerd, it seems absurd, but I would like a waking night in bed full of fear like a fool. Tried to think of a way to poison Ethan's lunch at school. Expensive Katita. I told my friend I liked her, and then he immediately whispered to the kid next to him. The message was passed around the class when we got up for recess. Somebody kicked me in my ass and laughed. And then some of the other guys decided to do likewise. I was knocked to the ground, then kicked again, this time by my friend. I will always remember. It reminds me of Caitlyn. She was still in my class. She never spoke to the boys, but sometimes her friends would ask me to go up and ask her out. I didn't give it a thought. In the same class for 10 years, we nearly never talked. 8th grade graduation, she made people upset. Valedictorian speech sounded like a suicide threat. I never saw her after that. I don't know where she went or what she did, but if you hear me, sorry for what I did as a kid. And sorry, Jesse, D, Katina, Mandy, Hallie, Zach. If I could go back and reverse my actions, I would. Sorry, Eli, and I'm sorry to the kid that I threw dirt on in a long tunnel at Oak Tree School in 1985. Yo, come through. only do it big, girl. Don't front, front. Get dipped, tell your friends we got the bump, bump. What? The bump, bump. What? The bump, bump. What? The bump, bump. Come to. We get it cracking, dogs. Don't front, front. Hear it humming in the bed. We got the bump, bump. What? The bump, bump. What? The bump, bump. What? The bump, bump. What? It's a rap slick, still on point like a cactus. It's that new Prince Post shit, get at this. Mommy's love to mac this, records do backflips. We buggin' in the club, in the cut like cactus. It's hood love, baby, get my sounds of blackness. Eight kids are under the mattress for survival tactics. Mom, don't try to ride with no practice. Hit it till you heat up, eat, and your body collapses. Girl, I can't help it, I'm nasty. Put in a lot of work, so my hands stay ashy. Second cop, house the lamb, machines is classy. Diamonds is hollering and steady, got some greens to pass me. So come through, you know we do a big girl. Don't front, front. Get dipped, tell your friends we got the bump, bump. What? The bump, bump. What? The bump, bump. What? The bump, bump. What? Come through, you know we get it cracking, dogs. Don't front, front. Hear it humming in the bed. We got the bump, bump. What? The bump, bump. What? The bump, bump. What? The bump, bump. Watch my Nikes, I've been ready. Years ago, how many years a nigga done blessed? Here's the flow, word up, magazine, chrome gets all on my back. So many live niggas all day, high niggas in grown beds. Play the hood, stay in the hood, display mad 88, kid, wait, paying them good. Play the rooftop, last quarter, quarter in my pocket. Hit the booth up, flow like shorty, got a rocket. So much talent to spray me, I never leave. Stand there, get my money, let fam breathe. Connect like opposites, blow like tropical weed. Hit Hawaii up, fucking in the cockpit. Hey, yo, come through, come on, you know we do it. Big girl, don't front, front. Get dipped, tell your friends we got the bump, bump. What? The bump, bump. What? The bump, bump. What? The bump, bump. What? Come to. You know we get it cracking, dogs. Don't front, front. Hear it humming in the bed. We got the bump, bump. What? The bump, bump. What? The bump, bump. What? The bump, bump. What? You know how I go down. You know how I go down. Flex Diamond, Prince Po. You know what I'm saying? We the illest niggas, man. Till black, black, black. You know what I'm saying? You know what I'm saying? Watch the Uncle Peach's ass niggas. You know what I'm saying? Yeah. Chuck Berry, yeah, ass niggas. I love that one. in the area, cause other places I can't tame in comparison. A small in metropolis, we like to call a town. It's one of my homes, I wear it proud like a crown. It's in my blood, it's in my background. And I listen to the whispers on the underground. And now this sound is complete. Let's get the boys round, let's have a cup of tea. Trip across the Atlantic. See, I'm acting all calm, but I'm feeling kind of frantic. Crazy antics, say what you got in mind, and I'll meet you halfway about 9:30. Bonjour tout le monde, c'est André Péloquin et c'est Plectrum, la grande traversée du jeudi qui se poursuit sur les ondes de la marge, la radio des étudiants et étudiantes de l'Université de Montréal, CISM. C'était Power First en duo avec Belle qu'on vient d'entendre avec la pièce Big Freeze. Je vous rappelle qu'ils seront en concert le 9 décembre au Divan Orange. Pour avoir plus de détails, powerupfirst.com. Un peu avant, on avait Maxime Robin avec son remix de Bump Bump. Un peu avant, The Mole avec Caitlin. Et on a débuté le tout avec Clips. C'était la pièce Womp Womp. Le remix de DJ Pistol Pete. C'est déjà tout pour moi. On va se laisser avec un peu de pièces pop pour se mettre un petit peu de joie dans le cœur, en attendant le palmarès du jeudi de Catherine Perrault. Si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions au courant de la semaine ou encore des demandes spéciales, peu importe, plectrumcism@hotmail.com, c'est mon courriel pour me rejoindre. Pour avoir plus de détails sur la programmation de l'émission en tant que telle, plectrumcism.blogspot.com. Si vous avez beaucoup d'espace sur votre iPod que vous voulez combler, passez par mon podcast, c'est le podmodernisme, podmodernisme.blogspot.com. Si c'est trop long à retenir comme lien, ce que je viens de vous donner, passez par le site web de la station, c'est le cism893.ca. Nous, on va se laisser avec des pièces de Trail of Dead, 8 Days in Hell. Si on a le temps, on va aussi avoir une reprise de Modest Mouse par Goldspot. Je parle bien sûr de l'immortel Flowdown. Et si on a encore quelques minutes en réserve, on va avoir I Can Talk About It de El Perro Del Mar, ainsi qu'un duo de Iggy Pop et de Françoise Hardy qui s'appelle I'll Be Seeing You. À la semaine prochaine, tout le monde! Wasting away the metal part of the foreign to cop car the other day. And he drove off. Sometimes life's okay. I ran my mouth off a bit too much. What did I say? You laughed it off. It was all okay. And we all float on okay. Yeah, we all float on okay. Yeah, we all. My last dime with that scam. It was worth it to learn from sleight of hand. Bad news comes, don't you worry, even when it lands. Good news will work its way to all them plans. And we all float on okay. Yeah, we all. Same day, we'll float on okay. Bad news comes, don't you worry, even when it lands. Good news is on the way, and we all float on okay.